Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi et il est l'heure de votre émission de radio sur le disco et le funk. Pour la découverte, je vous propose Lou Rawl et son titre You'll Never Find Another Love Like Mine. Extrait de l'album All Thing in the Time, sorti en 1976, on peut comparer le chanteur et surtout sa voix à Barry White. Comme pour beaucoup d'artistes soul, les années 70 voient la carrière de Rawl s'essouffler. Chez MGM, depuis 1971, il ne retrouve guère les charts R&B. Et il faudra attendre 1975 et un bref passage par le label Dell pour que son titre She's Gone lui permette de retrouver le succès. En 1976, Lou Rawl rejoint le label Philadelphia International Records et enregistre un album All Thing in the Time. Dynamité par le tube You'll Never Find Another Love Like Mine, les ventes de l'album décollent pour bientôt atteindre le million aux États-Unis. Il sera d'ailleurs disque de platine. Sur cette lancée des années 70, largement empreinte de disco, Lou Rawl enregistre de nombreux succès comme Groovy People, See You When I Get There, Lady Love, Let Me Be Good to You. Alors, on va l'écouter maintenant, Lou Rawl. Alors on enchaîne sur notre rubrique des 100 hits. Si je vous dis El Coco avec comme titre Let's Get It Together, ça vous parle? Je pense pas. En plein boom disco, il n'est pas rare que dans la même soirée, le DJ chauffe la piste en enchaînant le spank de Le Pamplemousse, One More Minute de Saint-Tropez et Let's Get It Together de El Coco. Les danseurs ne le savent pas forcément, mais ces hits sont produits par deux musiciens pris dans la spirale disco après des années intenses d'activité dans le jazz. Lauryn Rinder et Michael Lewis sont engagés en 1975 par le producteur Simon Soussan pour enregistrer du disco, musique qu'ils ne connaissent pas encore. Pour en savoir plus, ils fréquentent les discothèques et voient très vite le potentiel de la musique. Ils décident de produire sous le nom de El Coco et jouent de tous les instruments à eux deux, mais créditent des musiciens fictifs pour faire croire à un groupe. Let's Get It Together est leur premier hit notable. La trame originale est soumise par la chanteuse Maria Ross qui répète la seule phrase du morceau. Ce hit est le sésame qui leur ouvre les portes des discothèques. De là, ils partent dans toutes les directions. Le Pamplemousse est leur projet soul funk avec Tuxedo Junction. Ils rendent hommage au swing, mais version disco. Et avec Saint-Tropez, ils produisent un disco plus glamour et sexy. Leur nom n'est pas resté dans les annales, mais leur musique riche et variée a accompagné de près l'évolution du disco. C'est parti! We'll be right back. Disco et Mr. Funk sur Fat Jeff. Alors, on passe non pas à notre plan B, mais à notre phase B. Michael Jackson et son album Off the Wall, qui a eu le privilège d'être de notre toute première émission. On va s'intéresser au single Rock With You. Alors, il est sorti en novembre 1979, et sa phase B est composée de deux titres différents selon la localisation géographique. On va prendre le titre européen qui est Get On The Floor, car aux USA, c'est Walking Day and Night qui est choisi. Un bon petit funk bien rythmé que je vous laisse déguster. Dance with me. Le maxi, c'est tout de suite. On n'a pas écouté Casey and the Sunshine Band depuis un petit moment, on va y remédier immédiatement. J'ai choisi Keep It Coming Love, sorti en 1977. Il est issu de l'album Part 3. Le titre atteindra la seconde place dans les hits US et première au Canada. Ce sera l'un des derniers grands succès du groupe avec Please Don't Go, paru en 1979. C'était en 1977 et ça donnait ça. Dirige vers la fin de notre émission, mais il ne faut pas oublier la pépite. Aujourd'hui, Mary Jane de Rick James. Le titre est sorti en 1978 et sera le second extrait de l'album Come Get It. Au risque d'en décevoir certains, il ne s'agit pas d'une déclaration d'amour à une femme, mais plutôt une ode à une addiction de Rick James. Je vous fais pas un dessin, bien sûr. Le titre occupera une modeste 41e place des charts US, mais bon. Mis à part le côté sulfureux, je trouve que la mélodie et le rythme sont plutôt sympas. Faites-vous votre idée. <t'-> Do it, baby. Il nous reste encore un petit peu de temps, donc je me propose de vous faire découvrir un extrait de ma playlist, un des titres que j'aime beaucoup en ce moment. C'est Atlantic Star avec Circle. other girls in your crazy mixed up world. You said you drop them, but you know you won't. Sometimes I think about forgetting you, but it's so, so hard to make that choice. 'Cause boy, with you, I'd go to seventh heaven just by the sound. C'est déjà fini, je vous dis bonne semaine et puis à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.